Hey, I don't need ya, hey, I don't need a dead and we await away. J'aime tes yeux, j'aime ton front. Oh, ma rebelle, oh, ma farouche. J'aime tes yeux, j'aime ta bouche. Où mes baisers s'épuisent. J'aime ta voix, j'aime l'étrange grâce de tout ce que tu dis. Oh, ma rebelle, oh, mon cher ange, mon enfer et mon paradis. J'aime tes yeux, j'aime ton front. Oh, ma rebelle, oh, ma farouche. J'aime tes yeux, j'aime ta bouche, où mes baisers s'épuisent. Belle de tes pieds jusqu'à tes cheveux. Ô toi vers qui montent mes voeux. Ô ma farouche, ô ma rebelle. Oh, j'aime tes yeux, j'aime ton front. Ô ma rebelle, ô ma farouche. J'aime tes yeux, j'aime ta bouche. Où mes baisers s'épuiseront. Où mes baisers s'épuiseront. Mes baisers s'épuiseront.